Évariste Ndiko Banyanga. Merci de rester fidèle à la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal, l'édition de la mi-journée de ce dimanche 15 avril 2018. Donc voici d'abord le sommaire. Un présumé bandit a été tué par la population de Boutelele dans la nuit de ce samedi. Les sources recueillies sur place indiquent qu'il faisait partie d'un groupe de bandits qui tentait de voler dans un ménage de la localité. La Régie des eaux procède au curage des étangs d'eau potable qu'il distribue aux habitants de la capitale et ses environs. Et ces travaux causent une pénurie d'eau potable dans différents quartiers. Le directeur général de la Régie des eaux, qui a effectué une descente à Kabondo ce dimanche, tranquillise les citadins qu'à la fin de ces travaux, ils vont avoir de l'eau en abondance. L'échec des Inhamba Murugamba de moins de 17 ans face à Harambee Stars du Kenya a été dû à la pure panique. C'est du moins la cause majeure de la défaite selon le sélectionneur juste à la fin du match d'ouverture de la CECAFA ce samedi à Muyinga, match qui s'est soldé sur le score de 4-0 en faveur des jeunes Kenyans. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Eli Kadoga sur la mise en onde. Ouvrons ce journal par la page politique. Le député Fabien Banchegiani, non élu dans la circonscription de Boubanza, ni avoir été consulté par la Commission électorale nationale indépendante pour savoir s'il ferait toujours partie de la coalition Amizero Barundi. Il dit également qu'il n'a pas été informé de la décision l'empêchant de faire la campagne référendaire en tant qu'indépendant. Cet élu du peuple indique néanmoins que cette décision ne l'empêche pas de se présenter à la campagne, même s'il avait démissionné du groupe parlementaire de la coalition Amizero Barundi. Suivez-le au micro de Lini Bernivikid. Les motifs, nous me sommes de tout encore connus, puisque je n'ai pas encore vu une correspondance là-dessus, mais je compte aller à la CENI pour avoir de plus amples informations. Peut-être qu'il s'est trompé. Au président de la CENI, M. Ramzan Ndayicharié, on se connaît bien, il me connaît. Il ne m'a jamais demandé, il ne m'a plutôt jamais posé cette question. C'est par oubli qu'il a dit cela. Je n'ai jamais eu son téléphone. Et s'il a demandé le responsable de votre formation politique? Aujourd'hui, ma formation politique ne m'oblige pas d'être dans le groupe parlementaire. En date du 27 avril 2017, j'ai adressé une démission au président du groupe parlementaire, Misere Barundi, et j'ai donné copie au président de l'Assemblée nationale, au premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est aussi du Misere Barundi, et aussi au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Mais comme le communiqué du président de la CENI précise bien que ma candidature se trouve déjà dans Misere Barundi, ça ne me fait pas vraiment rien. Et l'important est que je sois sur le terrain. Que je sois sœur, que je sois en groupe avec Misere Barundi, ce n'est pas un problème. Vous avez présenté une démission. Est-ce que lorsque vous perdez votre formation politique, vous ne perdez pas le siège que vous occupez à l'Assemblée nationale? Mais pas du tout. Je dois faire remarquer que Misere Barundi est indépendant. Les indépendants, Misere Barundi. Moi aussi, je suis indépendant. Parce que le groupe par lequel je suis en l'Assemblée nationale est indépendant. Et d'ailleurs, l'article 48 précise bien du règlement de l'intérieur qu'on n'est pas obligé d'appartenir à un groupe parlementaire. On appartient à un groupe parlementaire de son choix. Fabien Banchegiani s'exprime après que le président de la CENI ait déclaré ce vendredi que ce député n'a pas eu la permission de faire campagne puisqu'il n'est pas, car sa candidature n'a pas été validée. La page politique est toujours la province Muramza va bientôt être dotée d'un gouverneur après 5 mois de vacances de poste. L'assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole fait savoir que l'on recherche encore la meilleure personnalité à y placer. Terence Nairaja indique en outre qu'il n'y a pas de problème de gouvernance vu que le gouverneur a 2 conseillers sauf en matière foncière, précise-t-il. Suivez-le. Depuis que le gouverneur a été nommé, il y a eu des procédures de voir le remplacer. Et comment ça se fait? On doit d'abord rechercher la personnalité qu'il faut, parce que le gouverneur, c'est pas n'importe quelle personne et qu'on choisit. Et on doit prendre le temps et vérifier auprès de la population par des enquêtes pour savoir quelle est cette meilleure personnalité qui pourrait être là. L'étape, je pense qu'elle a déjà été terminée. Vous rassurez au niveau du ministère de l'Intérieur que tout marche en province Mouramvi? Oui, ça marche très bien, parce que au niveau des ministères de la formation patriotique, le ministre a pris quelques mesures qui facilitent le conseil principal de pouvoir justement faire son travail facilement. Et n'oublie pas qu'au niveau du cabinet, il y a non seulement le conseil principal, mais également des conseils, en l'occurrence le conseil économique et le conseil socio-culturel. C'est dans la compétence du seul gouverneur de statuer en matière foncière. Il y a certains habitants qui se lamentent à ce niveau-là. C'est vrai que tout marche bien, mais bien sûr, il y a quelque chose qui manque. Et l'image du gouverneur n'est pas là comme il le faut. Et puis, en matière de foncière, effectivement, et s'il y a l'une ou l'autre personne qui voudrait bénéficier d'une possession de parcelle sur laquelle il doit avoir le sous-couvert du gouverneur de province, c'est qu'à ce moment, il n'y a pas de signature par autorisation qui doit être mise sur son papier. C'est-à-dire que la population doit patienter. C'est d'ailleurs un élément qui bloque justement les dossiers de certaines personnes, mais sinon, en général, ça marche très bien. Nous demandons à la population de Mouramvia de patienter, parce que très bientôt, on aura un gouverneur de province. Terence Nahiraja était au micro de ma consoeur Mireille Kanyangé. Je vous le disais en titre, la régie de distribution de l'eau et de l'électricité, régie des eaux, explique que le manque de l'eau qui s'observe dans différents quartiers de la capitale Bujumbura dans ces jours est dû aux travaux en cours de diminution de la turbidité du lac dans les compartiments de la régie des eaux. Jorobram Ndikobanyanga, directeur général de la régie des eaux, rassure la population que pour le moment, malgré cette montée de turbidité, l'eau fournie par cette société n'a pas de conséquences sur la vie humaine et demande à la population citadine de faire preuve d'une compréhension mutuelle face aux coupures éventuelles de l'eau. Suivez-le au micro de Placide Niumonguet. Depuis ces derniers temps, à cause d'une forte pluie dans la sous-région au Burundi, il y a une turbidité très élevée qui s'observe ces derniers temps. Normalement, la norme de l'OMS est de 5 NTI. NTI, c'est comme le kilo. Mais depuis le 14, le 13 et aujourd'hui, la turbidité est passée de 15 à 25. Ça s'est multiplié par 5. C'est pourquoi, comme nous devons donner à la population de l'eau potable, la région des eaux doit faire tout son possible pour que nous puissions donner de l'eau potable à la population. Vous évoquez la question de turbidité dans le lac. Est-ce que ça n'a pas de conséquences sur le visement? En tout cas, je rassure que l'eau que la Régie des eaux distribue, c'est de l'eau qui respecte les normes de l'OMS. Vous rassurez la population citadine que la solution sera trouvée juste après la tombée des pluies? On s'efforce, mais ce n'est pas seulement ce problème du lac. Il y a aussi des problèmes qui sont liés à la vétusté des tuyaux, des conduite de l'eau. Vous voyez par exemple ici au rond-point de Bujumbura, c'est un circuit qui date de la période de la colonisation, depuis le début de la régie des eaux, et il y a une grande panne qui s'est observée. Ça a causé des problèmes à ce qu'une partie du quartier de Rohero, Giza et Javé, ait passé un certain temps sans avoir d'eau potable. On s'attelait à réparer cette fuite, mais heureusement elle est terminée. Je peux rassurer la population, nous allons faire de notre mieux. Il y a des coupures intempestives que nous observons dans les quartiers, des coupures de l'eau. Est-ce qu'on pourra dire qu'il s'agit dans notre système que la régie des eaux a adopté pour partager le peu d'eau qu'il y a? Je pense que c'est un des moyens, parce que comme je l'ai souligné, c'est pas normal qu'un quartier passe 24 heures sans avoir de l'eau, parce que l'eau c'est la vie et nous essayons de faire de notre mieux possible pour qu'il n'y ait pas un quartier qui peut passer 24 heures sans avoir de l'eau. Et c'est pourquoi on essaie de distribuer le peu que nous avons. Le message que nous lançons, c'est vraiment la compréhension mutuelle. Et ce problème qui s'observe, ce n'est pas un problème créé par la régie des eaux. Les gens, à certains moments, expriment que peut-être il y a un sabotage, mais ce n'est pas un sabotage, c'est un fait naturel. Voilà, c'était le directeur général de la Régie des eaux, micro de Placide Niyomungiri. Parlons toujours de la Régie des eaux. Certains parmi les abonnés de la Régie des eaux dans la ville de Rumonge se lamentent qu'ils se voient privés d'eau et de l'électricité alors qu'ils ont réglé la facture. Ils informent que leur paiement ne figure pas dans les ordinateurs de la Régie des eaux et demandent d'être rétablis dans leurs droits. Le responsable de la Régie des eaux au centre Rumonge dit que le problème est en train d'être réglé au niveau central. Il est détaillé avec Jean-Pierre Messacre. Depuis le début de ce mois d'avril en cours, certains abonnés de la Régie des eaux dans la ville de Rumonge n'ont ni eau ni électricité. Certains d'entre eux, interrogés, disent qu'ils ont vu la fourniture en eau interrompue pour des présumés impayés d'électricité, même s'ils disposent de toutes les preuves qu'ils ont réglé la facture. Ils informent que les agents de la Régie des eaux leur disent que leurs paiements n'apparaissent nulle part dans les ordinateurs de la Régie des eaux. Pour eux, la fourniture en eau potable et en électricité devrait leur être rétablie dans l'immédiat, n'acceptant pas d'être victimes d'une situation dont ils ne sont pas auteurs. Clovis Moulin-Granouari, responsable de la Régie des eaux Centre Rumonge, reconnaît ce problème qui n'est remédié qu'au niveau de la Direction Générale de la Régie des eaux à Bujumbura. Selon lui, le service compétent est à pied d'œuvre et un bon nombre des abonnés ont déjà été rétablis dans leurs droits. Il assure que tout le monde sera servi sans donner l'échéance. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Parlons sport à présent. La peur panique est la cause principale de la défaite de l'équipe burundaise devant la formation kenyane dans le championnat de la CECAFA de moins de 17 ans. Bahati Vivier, l'entraîneur de l'équipe nationale, l'a dit hier après le match. Ceux qui disent que le joueur de la sélection kenyane dépasse l'âge exigé. Michael Aminga, l'entraîneur du Kenya, précise que tous les joueurs ont subi des examens. Personne ne dépasse l'âge. Les détails avec Balay Abdelimal. L'entraîneur principal des Inamba d'au moins de 17 ans, Bahati Vivier, fait savoir que ses poulains ne se sont pas bien comportés à cause de la perte du match dès le début, ce qui a fait que les Kenyans en profitent pour remporter la victoire de 4 buts à 0. Il réaffirme néanmoins que ses joueurs vont s'améliorer. Même si perdre le match est normal, ça ne nous enchante pas. Nous avons commencé le match avec la paire et le Kenya en a profité pour marquer 2 buts. Au retour du vestiaire, nous avons changé de tactique, mais ça n'a pas marché. Nous avons essayé et pour moi, c'est encore tôt. Nous allons nous améliorer au prochain match. Michael Aminga, entraîneur de l'équipe nationale kenyane, dit que le plus important pour ses joueurs n'est pas le résultat du match, mais au contraire, le développement de ces derniers au niveau tactique et technique. À ce qu'il pense et que ses joueurs dépassent l'âge exigé, ce n'est pas vrai car, dit-il, il y a eu des examens. Il encourage les joueurs burundais pour le jeu qu'ils ont montré malgré la défaite. Je suis vraiment content, néanmoins, je ne compte pas beaucoup sur le résultat, plutôt le développement de mes joueurs. Nous avons fait des examens pour l'âge et tous mes joueurs sont des élèves. Le Burundi a une très bonne équipe de jeunes. Qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils continuent les entraînements. Ce dimanche, 3 matchs sont programmés. À Muyinga, c'est le choc entre la Tanzanie et l'Ouganda. Ngozi, la Somalie joue contre les Éthiopie et à Gitega, le Soudan accueille le Zanzibar. Depuis Muinga, Balin Vyarimana pour la radio Isanganiro. Merci à Balin Vyarimana, notre envoyé spécial qui suit de près le déroulement de la CECAFA de moins de 17 ans. Les matchs vont se dérouler dans les stades de Muinga, Gitega et Ngozi. Bouclons ce journal par la page sécurité. Une personne qualifiée de voleur par la population a été tuée la nuit de ce samedi à dimanche au quartier 4 de Buterere 2 en commune urbaine de Nahangwa, à Mairie et de Bujumbura. Deux personnes qui venaient porter secours ont été blessées lors de cette attaque. Des bandits qui ont tenté de faire irruption dans un ménage après avoir troué le mur. Le chef de quartier Masumbuko Amadi appelle la population à rester vigilante et veiller à ce qu'il n'y ait pas de bandits qui se cachent parmi elles.